On prend ce pont? Allez. Vers la balle, là? Ouais. Du coup, tu disais, t'as des lieux qui te font rêver un peu? Franchement, non. Quoi? Tu penses qu'elle va descendre la pente? Ma boue? Oh, waouh. Bah ouais, Je pense peut-être. qu'elle Oh hésite. là là! Oh là, oh là, oh En là. mode BTT. Mais déjà, mets tes deux mains sur le guidon. Oh là, la sacoche, là, mets-la dans le dos. Me fait trop peur, elle a pas du tout Mais l'air assurée, pourquoi? genre. Waouh! Oh, j'ai envie d'aller prendre le vélo et de le faire. Wow, Waouh, ça mais avait pas l'air mal, hein? fun. Putain, j'ai trouvé le bon truc. En fait, j'ai envie de me sentir utile, tu vois, dans le travail que je fais aussi. Ça, c'est compliqué. Qualifié, Parce que même les trucs que je kiffe en restauration, en soi, en fait, le truc qualification. de n'importe qui peut le faire, ça me gêne pas quelque part. Enfin, je crois que j'aime bien aussi. Et en plus, c'est pas vrai. Et en plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même n'importe quel travail, enfin, on dit sans compétence, en fait, c'est jamais vrai. Ah oui, complètement. Mais d'avoir tellement envie d'apprendre plein de trucs et d'avoir vraiment cette envie de. Oh, c'est marrant ça! On dirait une patte d'oiseau ou Ouais, un une tout, fourche. toute petite fourche. C'est ouf. Peut-être qu'il y a eu genre une chasse à la sorcière. Bien sûr. Miniature. Alors attends, là il y a un Ah oui, panneau. là, c'est Bince. En fait, c'est. Regarde, c'est là-bas, genre. Ah ouais. On est trop drôle. Ouais. Bah, on passe par Ah, là-bas? si on va à gauche, je pense. Là, ça va, je pense. Mais nous, on vient de cette rue. On vient pas de là? Non, on vient de Regarde là, les sur les géants. graviers. On est passé Ouais, mais sur je les pense qu'il faut graviers. aller là, puis à gauche. Tac, Je et à crois pas, hein. gauche. Je pense que c'est l'inverse. Moi, pour moi, c'est là-bas derrière, genre. Bah, on va là, on va là-bas et on regarde les Bon, panneaux. dans tous les cas, ça. Je pourrais être maître nageur. Eh, hey, mais en fait, voilà, c'est ça. Il faut que je fasse un truc un peu loufoque. Il fait quoi? Non mais voilà, Il fait quoi au final? exemple que j'ai beaucoup trop de références de Friends, c'est que à un moment, tu sais, il est genre comptable. Ah, quand il est plus acteur, genre quand il. Non, Chandler, Ah, attends. pas Joey. Ah, putain, ouais. Il est comptable J'ai pas la depuis ref. le début de la série, il est comptable. Ok. Et un jour, il est en mode, mais j'en ai trop marre de faire ce taf de merde. Ouais. Et il fait un bilan de compétences. Et Et à on la lui fin, dit. son bilan de compétences lui dit, bah, comptable. Enfin, en fait, moi, je te vois faire des trucs différents en même temps. Genre, Genre. lundi, mardi, maître nageur. Mercredi, jeudi, cours d'anglais. Et le reste de la semaine, sonorisation du kéfir. Mais où est où? Alors là, il y a Grand Place. Il faut qu'on. Bah, en fait, on n'aurait pas dû descendre là. Ah. En fait, il faut qu'on remonte Ouais, et on qu'on continue? passe derrière ce bâtiment. Ah, ok. Ah, ou alors on va là. Oui, non, il faut qu'on remonte. On remonte? Ouais. Ah mais oui, l'école elle est genre par là-bas en En fait. fait, elle est derrière là. Ouais. Ok. J'ai trop faim. Ah ouais? J'aimerais trop manger genre une grosse C'est quelqu'un salade avec de la feta, des pois chiches Ah, un frits. truc bien frais. Ouais. T'as mangé quoi ce midi? J'ai mangé un panini 4 fromages. Ok. Pour clôturer ce Ce podcast, podcast. carpe diem, j'ai envie de dire. Carpe diem et pranaya. C'est l'inverse de paranoïa. J'avais jamais entendu ça. C'est vrai? Ouais. Bah ouais. C'est un vrai truc? C'est un vrai truc, ouais. Pranaya, Pranaya. ça veut dire quoi? C'est en gros la croyance acharnée que au final les choses vont bien se passer, genre. La confiance. Ouais, mais c'est à la limite de l'illusion. C'est à la limite du délire, genre. Ah, ok. De vraiment. Genre, t'as trop la conf. Ouais, t'as trop la confiance. En mode genre, je fais confiance au destin.